Chapitre 3e. À côté de notre maison des Paquis, c'était une petite propriété appartenant à M. Morin, ancien capitaine de l'Empire, grognard et grognon tout à la fois, rudoyant tout le monde, mais ne parlant jamais qu'avec l'émotion la plus profonde de celui qu'il nommait son empereur. Le salon du vieux guerrier était décoré de sabres, de fusils, d'épées, de nombreuses gravures représentant Napoléon sous toutes les faces. Ses drapeaux flottants, ses chevaux cabrés, ces généraux levant leur épée me plaisaient fort. Des velléités de courage se faisaient jour à travers ma timidité naturelle. Il me prenait des envies folles d'avoir des épaulettes, un beau cheval et d'aller en guerre. J'allais en imagination, je remportais avec une facilité merveilleuse les victoires les plus éclatantes, et ce qu'il y avait de charmant, c'est que je savais, conciliant mon amour de la gloire et ma sensibilité, mettre mes ennemis en déroute sans répandre une goutte de sang. Au milieu de ce luxe belliqueux s'épanouissait une douce fleur qui répandait sur cet intérieur, un peu froid, un parfum d'exquise poésie. Valérie Morin avait 20 ans, elle était grande, mince et brune. Son visage un peu pâle avait une expression d'habituelle mélancolie, mais le regard de ses grands yeux était si doux qu'il faisait l'effet d'une caresse. Lorsqu'elle me regardait, je me sentais heureux. Tous les matins, je la voyais se promener seule, un livre à la main, mais ne lisant guère et contemplant le lac et les montagnes. Quand le soleil était plus haut, elle recommençait la même promenade en soutenant son grand-père. « Valérie aime à Providence », disait le vieillard dans ses bons jours. Mais les bons jours n'étaient pas nombreux sur le calendrier. Et la plupart du temps, il malmenait sa petite-fille à propos de tout et de rien. Quand j'étais témoin de ces boutades et que je voyais des larmes perler dans les yeux de mon ami, je me sentais bondir de colère. Et j'avais peine à ne pas dire au vieillard qu'il était un méchant homme. J'aimais tant cette douce Valérie. Elle aussi m'aimait. Elle était pour moi comme une grande sœur ou une jeune mère. J'allais dans son jardin par une trouée à la haie de séparation, trouée que le hasard avait commencée et que j'agrandissais tous les jours. Ce jardin me paraissait bien plus beau que le nôtre. J'y trouvais les fleurs plus éclatantes et les fruits meilleurs. J'y passais de longues heures assis au pied de Mademoiselle Morin, tandis qu'elle dessinait ou travaillait à l'aiguille. Je lui confiais mes petits chagrins et mes grandes joies. Elle prenait part aux unes et me consolait des autres. Mon parrain allait quelquefois le soir jouer aux échecs avec le capitaine. Je l'accompagnais, et comme il ne fallait pas parler crainte de troubler les joueurs, Valérie me donnait un album et j'avais pour toute la soirée à le feuilleter. Mon parrain était très fort aux échecs. Le vieux soldat avait la prétention assez peu fondée de l'être aussi. M. Balville le laissait gagner assez souvent. Cependant, quelquefois, pour l'intérêt de la vraisemblance, il se réservait l'avantage. Alors le capitaine, furieux, laissait échapper quelques-uns de ses mots énergiques dont la grande armée avait le secret, et frappait l'échiquier de sa tabatière d'écaille, au risque de la briser, bien que le couvercle fût décoré du portrait de son empereur. La dernière fois que je vis M. Morin, c'était un samedi. Il avait gagné 2 parties. Il jubilait. « Je vous donnerai votre revanche quand vous voudrez, » dit-il à mon parrain. Cette revanche ne fut pas donnée. 3 jours après, nous accompagnions le cercueil du vieillard. Il était mort d'apoplexie. Je n'aimais pas beaucoup le capitaine, mais je vis pleurer Valérie, et par sympathie pour elle, je pleurais. M. Morin n'avait d'autre fortune que sa pension qui finissait avec lui. Sa petite fille était la plus pauvre des orphelines. Elle fut heureuse de trouver dans une famille étrangère une place d'institutrice. Un matin, je la vis entrer chez nous en toilette de voyage. Ses joues étaient pâles, ses yeux rouges et gonflés. Elle venait nous dire adieu. Elle était très émue et pouvait à peine parler. Elle serra la main de M. Balville, m'embrassa sur le front et me dit « Soyez bien sage, petit frère, et n'oubliez pas votre sœur Valérie. » Nous l'accompagnâmes jusqu'à la grille. Une voiture était là. Elle y monta, porta son mouchoir à ses yeux et de l'autre main nous fit un dernier signe d'adieu. Quand j'ai vu s'éloigner la voiture, je m'abandonnai aux larmes, cette ressource des femmes et des enfants. Mon parrain et ma bonne firent tout ce qu'ils purent pour me consoler. Je ne voulais pas l'être. Je trouvais une volupté étrange à ces larmes qui me brûlaient les yeux, à ces sanglots qui me brisaient la poitrine. Ma désolation dura plusieurs jours et je restai triste pendant bien des semaines. Le départ de Valérie coïncidait avec celui de la belle saison. L'automne était là. Les arbres semblaient tristes et honteux sous leur feuillage jauni que le vent insultait. Les brumes épaisses laissaient rarement percer le bleu du ciel. Les hirondelles allaient retrouver en d'autres climats les caresses du soleil. Les oiseaux avaient cessé leur chant et ne faisait plus entendre que des notes détachées, appels, avertissements ou plaintes, et les dernières fleurs s'inclinaient, pâles et comme transies. La nature était bien en harmonie avec mon cœur. Je regrettais Valérie, et le jardin regrettait le soleil. Ce fut peu de temps après que je connus Rodolphe. Étrange garçon, brun comme un Africain en dépit de son sang allemand, des cheveux de jais, des yeux de flamme, une pétulance, une gaieté. Il m'effraya d'abord, mais je l'aimais bien vite, il le fallait d'ailleurs. Rodolphe n'était pas de ceux qui s'insinuent dans votre cœur sans bruit, et à force de patience il le prenait d'assaut, s'y établissait à grand tapage et y gardait sa place, qu'il méritait par sa franchise et son dévouement. Ce nouvel ami me fit grand bien. Sans me rendre positivement gai, il glaça de rose la teinte un peu mélancolique de mon caractère, et grâce à lui, j'en vins à savoir rire à peu près aussi fort et aussi souvent que les autres garçons de mon âge. Quant à la douce image de Valérie, effarouchée par mon turbulent ami, elle se retira discrètement dans un coin de mon cœur, asile mystérieux et sûr, dont rien ne pouvait la chasser. Depuis que je songeais à l'avenir et que j'associais à mes rêves une jeune compagne, c'était toujours sous les traits de Valérie qu'elle se présentait à mon imagination, et il me semblait que je ne pourrais aimer qu'une femme qui lui ressemblerait.